vous entendez la guitare, la petite guitare derrière. Allez, juste pour la guitare. Mesdames et messieurs, maintenant c'est le tour de Seth et Karma avec leur jolie guitare. On va y aller, dit Wawa. Come on! Danse! C'est exactement ça. La wawa. Clap your hands. Ça donne envie de danser ça. Vous êtes là, Paris. Parce qu'ici en Auvergne, on est toujours là. On est toujours là pour danser. We'll be right back. The world is gone.